Ici Jessica Leb, directrice de la programmation. Au nom de toute l'équipe et de la centaine de bénévoles de CKRL, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Marc Chaunet et c'est une émission spéciale puisque je ferai un bilan des albums coup de cœur, dans mon cas, là, des parutions 2020 dans le rock progressif. Michel vous en a déjà parlé la semaine dernière au cours d'une autre émission spéciale justement avec le bilan de cette année. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de parutions, de très bons albums, près de 200 parutions là, dans le rock progressif en 2020. Pas toujours les meilleurs albums, dans certains cas, je dirais, de certains groupes qu'on a connus, mais beaucoup de nouveaux groupes qui ont fait leur apparition. Et c'est ça, Michel déjà a présenté là, de très grands albums la semaine dernière. Là, on parle ici de La Mascara d'Ichera, on parle de Logos, Wobbler. Évidemment, ça fait partie de mes albums coup de cœur et je vous en parlerai ce soir. Alors, on va débuter d'abord avec la formation Wobbler, d'ailleurs, qui est mon album préféré, leur superbe album paru cette année. On sait que Wobbler ne nous déçoivent pas. C'est l'album Dwellers of the Deep. Et encore cette année, là, cet album-là est excellent. Alors, j'irai avec la pièce Mary Macabre. Et ce sera suivi de Rick Wakeman. Rick Wakeman qui nous a fait toute une surprise cette année avec un retour avec un album de rock progressif, l'album de Red Planet. Et c'est pas une coïncidence si j'enchaîne avec Rick Wakeman puisque Wobbler a des consonances yes. Surtout pour le son de basse et un peu pour la façon d'approcher le vocal. Alors on y va tout de suite donc avec la pièce Mary Macabre de Wobbler et la pièce Tarsis Tolus de Rick Wakeman. Thank you.

playing in the greens, laughing carelessly. Oh, I miss those days, that strange and funny place. The serpent sleeping inside the slowly through the door of sleep. She has always been, she's my own kin, a grim dark torrent waiting underneath my skin. protéger les gens qu'on aime, les fêtes vont être différentes cette année. On évite les rassemblements et on fête chacun chez soi. Je sais pas pour toi, mais moi, avec mon temps libre, je pense me lancer en musique. François Bellefeuille chante « Le temps des fêtes » avec son masque. Pour de rencontres familiales, la la la la la la la la. On sera en visioconférence, pa la la la la. Tu vois, il y a quelqu'un qui pue de la bouche en studio. Ben non, je nous ferai pas ça. On garde la morale. Un message du gouvernement du Québec. Ici François Bellefeuille. Normalement, avec le nouvel an, on prend des résolutions qu'on finit par abandonner. Un redressement ici, deux redressements ici. Ok, j'arrête, ça fait déjà deux, aucun résultat. Fait que cette année, prenons des résolutions qu'on est certain de tenir, comme rester à la maison, limiter ses contacts, puis prendre 5 livres. Je pourrais essayer de pas prendre de poids, mais ça implique que deux enfants qui vont manger des restants de dinde jusqu'au printemps. Vous l'avez trouvé sec, ma dinde, hein? Ben, papa fait dire que ça sera pas mieux en mars. On garde la morale. Un message du gouvernement du Québec. L'émission Terra Incognita se poursuit avec ce spécial des meilleures parutions de 2020, selon mon palmarès. Alors, un autre album que j'ai adoré cette année, en deuxième position dans mon cas, c'est Logos et le superbe album Sadako e le mille gru di carta. Alors, on aura la pièce Zaina di Elio. Également, La Maschera di Cera, le grand retour sur disque, un album qu'on n'attendait pas. Plusieurs ont vu une différence quand même. Le fait que le saxophone soit remplacé par la flûte, ça change un peu le son du groupe. Mais c'est un excellent album que j'aime beaucoup. Donc, La Maschera di Cera, l'album SEI. On ira avec la pièce Vacuo Senso. Mais on débute avec Logos. We'll be right back. vorrà riempire zaini di elio e volare oltre colline d'aria. Scansar con un soffio, fumo d'alberi in fiamme, passar sulla cresta gelata dei sogni. Sensi morbida strada d'erba, gambe forti per scendere a terra. E ho un cuore leggero per spiccare ancora il volo. Thank you. saggio che illuderà. Guardo la somma, non vedo altro, pesci famelici non sanno che sei salito fino alla

spirito di un santo, di un sanguinario. Io nato folle, fiamma e carbone. Della mia allunghi i sorsi l'ideale, fragile figlio di Adamo, cuore d'avorio, corri lontano da questo luogo dove il giorno annulla il sogno, dove il tempo non perdona, e i volti sono specchi opachi di cui riflesso mostra tutti gli altri. Déjà presque la fin pour l'émission Terra Incognita. C'était Marc Chaunet avec vous depuis 22 heures. Restez les nôtres puisque dans quelques minutes, il y aura l'émission L'autoroute sur les ondes de CKRL. On se laisse sur un extrait de l'album de Samurai of Prague, Beyond the Wardrobe, un excellent disque, et la pièce Forset Rondo. On vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Travel by the forest road, walk until the canyon opens, staring down a cliff, beckoning, beckoning.